Réplique du Cheikh Abdelrahman Mekhlef sur l'enchaînement du takfir. Question. Assalamu alaikum, Cheikh Abu Mariam. Vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Est-ce que vous pouvez nous donner la preuve, le dalil, pour prouver le fait de mécroire celui qui ne fait pas la mécréance de celui qui ne fait pas la mécréance des associateurs? Et jusqu'où la mécréance s'arrête pour vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, Inch'Allah? Barakallahu fik. Réponse du Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur ce sujet-là, la cause de tomber dans cette erreur à propos de l'enchaînement dans le takfir est la non-adaptation du fondement de la religion de l'islam, le asl din al-islam, par lequel rentre le musulman s'il il accomplit et par lequel sort l'associateur s'il n'accomplit pas ce fondement, c'est-à-dire l'associateur sort de l'islam. Moi je dis que dans le fondement de la religion, le asl din, toute personne qui a annulé la vérité de la shahada est un associateur, mushrik, et pas un musulman. Et je le juge mushrik, et il est sorti de l'islam sans tenir en compte qu'il ait eu la preuve, la hujja. C'est ça le fondement, le asl, en général, et les preuves, les dalils, sont nombreuses dans le livre d'Allah, le Coran. Car l'islam ne sera pas complet sans s'écarter du shirk et le désavouement des associateurs. Comme Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Sourate 16, verset 36. C'est-à-dire s'écarter d'adorer autre qu'Allah le Très-Haut. Donc celui qui accomplit l'écartement d'adorer autre qu'Allah le Très-Haut et à adorer Allah le Très-Haut, celui-là est un musulman. Ceci est noté dans le livre d'Allah le Très-Haut. Adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et Allah le Très-Haut dit, et nous avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Sourate 21, verset 25. Donc toute personne qui accomplit l'écartement d'adorer autre qu'Allah le Très-Haut et à adorer Allah le Très-Haut, celui-là est un musulman. Et celui qui n'a pas accompli ce fondement, c'est-à-dire n'a pas accompli l'adoration d'Allah le Très-Haut, ou bien ne s'est pas écarté d'adorer le Tarout, celui-là est associateur, mushrik. Cet associateur, celui qui ne le mécroit pas et ne se désavoue pas de lui, n'est pas musulman. Parce qu'il n'a pas connu la vérité de la ilaha illallah, qui est l'adoration d'Allah le Très-Haut seul et le délaissement d'adoration autre qu'Allah. Il est donc obligatoire de se désavouer de cet associateur, comme Allah le Très-Haut dit. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et à ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah ». Sourate 60, verset 4. C'est ça la religion d'Ibrahim, la milla d'Ibrahim, qui est de te désavouer de l'associateur et de t'en écarter de lui dans ta religion. Par contre, si tu juges de l'associateur qu'il est musulman, et tout en sachant qu'il est tombé dans l'association, le shirk, donc tu n'as pas connu la religion d'Ibrahim et tu n'as pas accompli la shahada, la ilaha illallah. C'est pour cela qu'Allah nous a demandé de suivre la religion d'Ibrahim. Et c'est quoi la religion d'Ibrahim ? C'est d'adorer Allah seul et de s'écarter d'adorer autre qu'Allah. Allah dit, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, c'est-à-dire, ô Mohammed, non, mais suivons la religion d'Ibrahim, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Sourate 2, verset 135. C'est-à-dire, il, Mohammed, est innocent des associateurs, et il n'a pas de lien avec eux. Ne leur ressemble pas. Parce que celui qui ressemble aux associateurs, tout en sachant qu'ils sont tombés dans le shirk, celui-là n'est pas un musulman. Il ne connaît pas la vérité de la ilaha illallah. Allah le Très-Haut dit, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Sourate 3, verset 67. Et Allah le Très-Haut dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Ibrahim, musulman droit, et il n'était point des associateurs. Sourate 3, verset 95. L'obligation est de suivre la religion d'Ibrahim, et la religion d'Ibrahim comme l'a montré Allah. Rappelle le moment où Ibrahim dit à Hazar, son père, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Sourate 6, verset 74. Donc, il faut se désavouer de leur association et se désavouer d'eux. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Exception faite de la parole d'Ibrahim adressée à son père. J'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance et à toi nous revenons, repentant. Et vers toi est le devenir. » Sourate 60, verset 4. Le fondement en général est que toute personne qui tombe dans la mécréance et dans l'adoration d'un autre qu'Allah, le Très-Haut, est un associateur. Et il n'a pas besoin d'avoir la preuve, l'hujja. Et aussi celui qui ne s'est pas désavoué de cet associateur en sachant qu'il, l'associateur, a commis du shirk et le considère comme étant son frère musulman, celui-là n'est pas musulman et n'a pas connu la religion d'Ibrahim. C'est ça le premier fondement dans notre sujet. Maintenant, l'erreur qu'a commis ceux qui parlent de l'enchaînement, la chaîne, et qu'ils mettent dans la chaîne toute personne n'appliquant pas le takfir. Par exemple, une personne qui a adoré Allah et s'est désavouée du tarout et des associateurs a accompli l'islam. Ils disent de lui, le mouahid, le monothéiste, qu'il est mécréant, si ce dernier s'est arrêté à la troisième personne dans la chaîne. Et il rend la mécréance sur le troisième. Parmi le fondement de la religion. Le shirk continue. Le fondement de la religion, le asl du din, est la religion de Ibrahim, la milla d'Ibrahim. C'est de s'écarter du shirk et des associateurs. Et ce qui est en plus de cela, par exemple, une personne qui a accompli l'écartement du shirk et l'écartement des associateurs et s'est désavoué d'eux, mais s'est trompé dans ce qui suit dans la chaîne, dans le troisième, le quatrième, le cinquième. Ceci ne fait pas partie du fondement de la religion, du asl du din. Le fondement de la religion, comme les savants se sont mis d'accord parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh al-Islam Mohammed et le Cheikh Abdelrahman ibn Hassan et le Cheikh, et même tous les savants sont unanimes que le fondement, le asl du din, est l'écartement du shirk, mais croire aux associateurs et s'en désavouer. Et ce asl, ce fondement, est mentionné dans le livre d'Allah le Très-Haut et n'a pas besoin d'être prouvé par des écrits de savants comme j'ai mentionné auparavant les versets de la sourate Al-Mumtahina. Et comme j'ai mentionné de la parole d'Allah le Très-Haut qui dit, c'est Allah qui dit la vérité, suivez donc la religion d'Ibrahim, musulman droit, et il n'était point des associateurs. Sourate 3, verset 95. C'est-à-dire qu'Ibrahim s'est penché du shirk vers le tawhid. Et c'est désavouer des associateurs. Donc c'est ça le fondement, le asl. Si tu sais d'une personne qu'il est tombé dans le shirk, c'est obligatoire de t'en désavouer de lui. Si tu crois qu'il est musulman en sachant qu'il est tombé dans le shirk, tu n'as pas accompli la shahada, la ilaha illallah. Et si tu accomplis ce fondement et que tu t'es écarté du shirk et des associateurs, là tu es un musulman. Après ça, si tu t'es arrêté sur le troisième, ce n'est pas un arrêt sur les associateurs. Là, tu ne seras pas mécréant avant d'avoir la preuve, la hujja. Parce que comme je l'ai mentionné avant, l'erreur vient de la non-adaptation du fondement de la religion de l'islam. C'est-à-dire la non-adaptation de quand la personne devient musulmane et quand la personne devient associatrice, mouchrik. Donc, si ce problème est bien réglé, on a su quand une personne a mécru et quand elle est devenue musulmane. L'erreur dans laquelle sont tombés ceux qui parlent de la chaîne est qu'ils ont dit que le fondement de la religion est basé sur la mécréance avec l'enchaînement. Ils disent que celui qui ne mécroit pas le mécréant jusqu'à l'infini n'a pas accompli le fondement de la religion. Et ceci n'est pas correct. Le fondement de la religion est que tu t'écartes de l'association, tu t'écartes d'adorer autre qu'Allah, et ensuite d'adorer Allah. Et si tu vois un associateur, tu te désavoues de lui et tu ne le considères pas comme ton frère musulman en Allah. C'est ça leur erreur. Ils ont fait entrer ce qui n'est pas du fondement de la religion, ce qu'ils nomment la chaîne. Et on trouve cela nulle part, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni n'a pas été rapporté non plus par les savants. Tous les savants reconnus ont rapporté que le fondement de la religion, le asl din, est de s'écarter de l'association et de se désavouer des associateurs. Et c'est ça la religion d'Ibrahim, la millatou d'Ibrahim, comme j'ai dit. Et c'est cela aussi la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le dit dans son livre. Dis, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre. Et ne sois jamais du nombre des associateurs. Sourate 6, verset 14. Allah ordonne donc au prophète de se soumettre et ne pas tomber dans l'association. Voici le premier fondement, l'écartement de l'association. Puis Allah continue, ne sois jamais du nombre des associateurs. Et tu les rends pas tes frères, sachant qu'ils font de l'association. Et Allah dit, je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Sourate 6, verset 79. Et Allah dit, dis, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Sourate 6, verset 161. Le fait de se désavouer des associateurs rentre dans le sens de « qui n'était point parmi les associateurs » parce que la base du désaveu des associateurs est leur association. Donc cela englobe le désaveu de l'association et le désaveu des associateurs. Et Allah le Très-Haut dit « et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager » au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Sourate 9, verset 3. Donc le fondement dans ce sujet est que celui qui tombe dans l'association n'est pas musulman et n'a pas besoin d'avoir la preuve, la hujja. Le deuxième cas est celui, la deuxième personne, qui a reconnu qu'un associateur, la première personne, est tombé dans l'association et ne s'est pas désavoué de lui, du premier. Il, la troisième personne, ne l'a pas jugé comme musulman, parce qu'il ne s'est pas désavoué des associateurs du premier. En ce qui concerne le troisième cas, c'est-à-dire celui, le quatrième, qui ne s'est pas désavoué du troisième, sachant que ce dernier n'a pas cru la deuxième personne, en pensant qu'il, le deuxième, n'a pas eu la preuve, la hujja. Ceci n'est pas du fondement de la religion, le asluddin. Cette personne, la troisième, n'est pas associateur, car il s'est écarté du shirk et s'est désavoué des associateurs, et ne les a pas rendus ses frères. Il a donc accompli le fondement de la religion en se désavouant de l'association et des associateurs. Donc il a accompli l'islam. Si par exemple, il, le quatrième, s'est trompé sur la mécréance du troisième, on dit que ce dernier n'est mécréant qu'après avoir eu la preuve, la hujja. Mais eux, ils font rentrer dans le fondement de la religion ce dans quoi il n'y a pas de preuve. Et personne parmi les savants ne les a devancés dans cela. Les savants ont rapporté dans le 3e siècle ou dans le 4e siècle. Parmi eux, Abu al-Hussein al-Malati, qui a rapporté dans son livre « At-Tanbih wa-Rad » pour répondre aux innovateurs que le tekfir dans l'enchaînement est un dire des mu'tazilites. Il a rapporté deux dires là-dessus. Et il a dit que ce n'est pas un fondement des Ahl Sunnah wal Jama'a. Et que le fondement des Ahl Sunnah wal Jama'a est de mécroire le mécréant. Et le savant ajoute à propos de l'enchaînement que le dire de celui qui ne mécroit pas le mécréant dans la chaîne jusqu'à l'infini est un dire de Mu'tazila. Et a rajouté que les Mu'tazila ont une parole sur l'enchaînement dans le takfir et une autre parole sur l'enchaînement dans la perversité. Par exemple, sur les Mu'tazilites de Bagdad, Abu Hussein al-Malti dit « Les Mu'tazilites de Bagdad disent que celui qui ne mécroit pas le mécréant jusqu'à l'infini était un mécréant. Et les Mu'tazilites de Basra disent que celui qui ne mécroit pas l'associateur est un mécréant, pas plus. » Et c'est ce que les gens de la Sunna disent, Ahl Sunna wal Jama'a. L'associateur qui tombe dans l'association, il est obligatoire de se désavouer de lui. Et celui qui ne le mécroit pas ou ne se désavoue pas de lui n'est pas musulman. Et Abu al-Hussein a rapporté aussi la vie des gens de la Sunna sur ce fondement. Par contre, l'ajout sur ce fondement, que ce soit sur la parole de la perversité, comme ce qu'ont dit les Mu'tazilites de Basra, ou bien sur la parole de mécréance, comme ce qu'ont dit les Mu'tazilites de Bagdad, ceci est une parole vaine, et ce n'est pas une parole des Ahl Sunnah wal Jama'a, mais c'est une parole des Mu'tazilites. C'est pour ça que l'on s'est désavoué de cette parole, et j'ai dit que c'est une parole inventée, et n'est pas une parole des Ahl Sunnah wal Jama'a. Et elle n'est ni fondée par une preuve, ni par une parole. Elle n'est ni fondée sur une preuve, ni sur une parole d'un savant, ni par une preuve du Coran et de la Sunna ou unanimement reconnue. Mais les unanimement reconnus et les écrits du Coran et la Sunna montrent qu'il faut se désavouer de l'associateur qui fait de l'association. Donc celui dont on a connu de lui qu'il a fait de l'association, on a jugé de lui qu'il est un associateur et on s'est désavoué de lui. Et celui qui ne s'est pas désavoué de cet associateur en sachant qu'il fait de l'association, on le juge non musulman. Et le rajout qu'il considère parmi le fondement de la religion fait partie des innovations qu'Allah n'a jamais révélées. Voici donc d'où vient l'erreur sur le tekfir de la chaîne. Et j'ai écrit plusieurs lettres sur ce thème et plusieurs participations en répondant sur cette erreur. Et la cause de cette erreur dans laquelle ils sont tombés est la non-compréhension de la vérité sur le fondement de la religion. Et ils ont rajouté l'enchaînement du tekfir dans le fondement du tekfir. Comme les Khawarij ont fait quand ils ont rajouté dans le sujet du tekfir celui qui fait un grand péché dans la base de la religion. Les Khawarij sont plus rapprochés du asl du din, du fondement de la religion, que ceux qui font l'enchaînement du tekfir. Car les Khawarij ont eu l'ambiguïté que le grand péché contredit le fondement du din, parce qu'un grand péché est une mauvaise action. Et l'enchaînement du tekfir n'a même pas de preuve dans son fondement jusqu'à l'infini. Par exemple, si la millionième personne dans la chaîne ne rend pas mécréant celui qui est devant lui, il est un mécréant d'après eux, sachant que l'associateur qui a commis l'association est dans la première place, et non dans la place du millionième. La personne qui est devant le millionième n'est pas tombée dans l'association à la base, et ce dernier se désavoue des associateurs et mécroit ceux qui ne se désavouent pas d'eux, mais il s'est trompé en n'appliquant pas la mécréance sur la personne dans la chaîne, ou la personne qui est devant lui dans la chaîne. Ils ont dit de lui qu'il est mécréant, parce qu'il n'a pas rendu mécréant les associateurs. Le shir dit, celui qui est devant lui n'est pas un associateur. S'il était un associateur, on le jugerait mécréant, parce qu'il ne se serait pas désavoué de lui. Mais s'il n'est pas associateur, et il s'écarte du shirk et se désavoue des associateurs, comment peut-on le rendre associateur, sachant qu'il n'a pas fait de l'association ? Fin de la parole du shirk.